sad to see so many years, but in its splendor found the sight to set my fears. I ran out, let you down, held on doubt, broke my crown. I need to know if you can feel. I can feel. Afraid to hold the glass I know I've broken. Take back all the notes I know I've chosen. This love, it goes on. I hear in your tone I might be alone. My dreams are dragged on. I apologize for leaving and I know that if I curse my ways won't mean you might stay. Foolish to believe I'm more to call back. I need to know if you can feel. I can feel. Afraid to hold the glass I know I've broken. Take back all the notes I know I've chosen. This love, it goes on. I hear in your tone I might be alone. My dreams are dragged on. Jazz Radio, Jazz and Soul, avec maintenant celui qui aura fait ses débuts avec James Brown, qui aura tourné de nombreuses fois avec Prince sur Jazz Radio, c'est Maceo Parker. Et puis avant 13h, il y aura aussi Gilles Scott-Heron. Jazz Radio. Jazz and Soul. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long. Jeudi, belle fin de semaine, un jeudi à passer ensemble bien évidemment, le but quand même rester là le plus longtemps possible pour profiter du meilleur du jazz qui va continuer dès 13h avec Benoît et je vous emmène le rejoindre en musique avec Gilles Scotteron. Jazz Radio à Argentan 106.6 et à Chartres 94.1. Retrouvez dès maintenant tout l'univers de Jazz Radio sur votre smartphone en téléchargeant gratuitement l'application Jazz Radio pour iPhone ou Android. Vous accéderez librement au meilleur du son jazz and soul d'hier et d'aujourd'hui. Vous découvrirez plus de 25 web radios thématiques, les agendas concerts ville par ville, les dernières infos de jazz et les nouveautés de la playlist Jazz Radio. Jazz Radio, Jazz and Soul. Alors, t'as trouvé ton nouveau métier ? Entretien de la maison, garde d'enfants, aide aux seniors ? Oh, non, j'abandonne. Ben non, c'est dommage. Toi qui cherches un métier pour prendre soin des autres ? Mais trop compliqué avec mon petit dernier à garder et... Sophia, respire. Chez O2, j'ai un métier avec un planning adapté à mes horaires et des formations pour me faire progresser. Fais comme moi. C'est exactement ce que je cherche. Allez, renseigne-toi sur o2recrute.fr. Et dans l'agence O2 près de chez toi, ils organisent une journée Job Café le mardi 28 mai. Trop bien. O2, numéro 1 du service à la personne. Mon imprimante bureau Valet. Tu m'aides à porter ce carton ? Peux pas. Bah, dommage, c'est ma nouvelle imprimante Canon. Attends, j'arrive ! Oh bah, trop tard. Chez Bureau Valet, jusqu'au 25 mai, l'imprimante multifonction jet d'encre Canon Maxify MB2150, impression jusqu'à 19 pages par minute, écran tactile de 6,2 cm, chargeur automatique 50 feuilles, est à 84,90€ au lieu de 119,90€. Bureau Valet, on met la barre très haut et les prix très bas. Offre dans la limite des stocks disponibles, conditions et magasins participants sur bureau-valet.fr. Hey, tu as entendu ? O2 propose des jobs qui ont du sens, avec des horaires adaptés aux nôtres et près de chez nous. Ah mais c'est exactement ce qu'il me faut. Renseigne-toi sur o2recrute.fr et rencontre leur expert le 28 mai pour la journée Job Café dans l'une de leurs 500 agences. O2, numéro 1 du service à la personne. La fête des mères au bon prix chez Auchan. Jusqu'à lundi, le bouquet de 12 roses est à seulement 6,99€. À ce prix-là, je sais ce que je vais offrir à ma maman. Eh ben ça, c'est une super idée. Vous sentez ce parfum? Qu'est-ce que ça sent bon? Ah, ça vous plaît? Je viens de l'acheter. Ah, je parlais des fleurs. Ah oui, les roses, bien sûr, évidemment. Auchan, avec plaisir. 6,99€ le bouquet de 12 roses, différents coloris au choix, valable dans vos magasins et drive aux champs participants. Desperados, avec sa bière Desperados Tropical, fait sa révolution. Pourquoi ? Parce que saveur rhum, citron vert et passion. Cette fraîcheur atypique, ça rappelle les tropiques. Desperados Tropical, sa recette est colorée, fruitée, mais surtout, surtout, elle est signée Desperados. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Ça, c'est vos dépenses qui viennent de tomber. Et ça, c'est encore et encore des dépenses. Eh oui, quand on est un professionnel du bâtiment, on en a de l'argent à sortir. Alors on vous en fait économiser. Chez Leroy Merlin, profitez de remises permanentes jusqu'à 8% sur tous vos achats avec notre programme de fidélité 100% gratuit. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Adhésion et conditions du programme en magasin. 1664 Blanc présente. À la French. À la French, c'est quoi? C'est quoi? Une bière française. Cette bouteille bleue. Très très fraîche. Cette terrasse. Ensoleillée. 1664 Blanc. Ce serveur qui virevolte. De table en table. Ce verre élégant. Note d'agrumes. 1664 Blanc. C'est ça, à la French. 1664 Blanc. À la French. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Allô Mel ? Oui ? Je reviens de chez Distri Center. J'ai le bon plan pour l'été. Des claquettes de marque à partir de 12,99€. Mais non ! Mais si ! Des Fila, des LS, des Umbro, et il y en a pour toute la famille ! Mais non ! Mais si ! Et c'est dès maintenant chez Distri Center. Bisous ! Distri Center. Offre valable en magasin et sur districenter.fr jusqu'à épuisement des stocks. Mano Mano. Quand on est pro, le bon réflexe travaux, c'est le club Mano Mano Pro. Vente privée, remise fidélité et tarifs négociés toute l'année. Votre comptable va nous adorer. Alors rendez-vous vite sur l'appli Mano Mano Pro. Mano Mano. Mano Mano Pro, on bosse pour vous. Mano Mano. Offre réservée aux professionnels, voire conditions du programme sur manomanopro.fr. Nocibé. Parce que les mamans sont exceptionnelles, chez Nocibé, nous avons tout ce qu'il faut pour les gâter et prendre soin d'elles. Chez Nocibé, jusqu'à ce dimanche, profitez de moins 25% sur tous les parfums et sur une sélection de coffrets. Nocibé. La beauté partagée. Voir conditions en magasin et sur nocibé.fr. Et parmi ces millions de spermatozoïdes, un seul arrivera à passer devant tous les autres pour arriver le premier à l'ovule. Comme mon père sur l'autoroute? Bah ouais, avec son badge Bip & Go, il passe toujours devant tout le monde au péage. Ah bravo, très drôle. Avec Bip & Go, passer devant tout le monde, c'est la vie. Et en ce moment, profitez de 9 mois offerts. Bip & Go, roulez l'esprit libre. Offre réservée aux particuliers pour toute première souscription jusqu'au 18 août 2024. Offre valable en France, hors frais d'expédition, de mise en service, frais de péage et de parking. Détails sur bipandgo.com. Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a ? D'après la déposition, la personne est à la recherche d'une connexion performante, adaptée à ses besoins. Ok, on peut d'ores et déjà classer l'affaire. Il suffit de passer à la fibre Bouygues Télécom pour profiter du Wi-Fi numéro 1. En ce moment, chez Bouygues Télécom, profitez de la fibre et du Wi-Fi numéro 1 pour seulement 19,99€ par mois pendant 12 mois, puis 32,99€ par mois. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité de raccordement. Engagement 1 an, Wi-Fi numéro 1 au score global du dernier baromètre Wi-Fi publié sur mper.com. Carrefour. Quand vous me dites « Alors moi, je ne comprends pas les gens qui font les choses à moitié. » Eh bien, ça me donne envie de vous dire « Achetez vos confiseries sucrées et tablettes de chocolat chez Carrefour et recevez 50% du montant de vos achats en bon d'achat. » Et c'est valable sur toutes les confiseries sucrées et tablettes de chocolat, même en promotion. Ah bah ça, c'est la moitié qui fait plaisir. Et c'est jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Dès 8€ et jusqu'à 20€ d'achat, bon d'achat valable du 27 mai au 9 juin, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Jazz Radio. Oh, such a bad idea if I never went home again. Stand as far away from me as you can and ask me why. Hang on to your rosy beads, close your eyes to watch me die. You keep saying, kick it, quit it, kick it, quit it, God, but did you ever try? Du jazz et de la soul sur Jazz Radio. Jazz, Jazz Radio. Merci Tom Léville, bon après-midi. On se retrouve bien sûr demain matin à partir de 10h pour le Jazz Club. L'actualité et la météo, c'est avec la rédaction de Jazz Radio. Il est 13h. Jazz Radio. Jazz and Soul. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Il planifiait une action violente lors du passage du relais de la flamme olympique aujourd'hui à Bordeaux. Un homme de 26 ans a été interpellé en début de semaine après avoir diffusé un message inquiétant sur les réseaux sociaux. Selon le Parisien, le suspect serait un sympathisant du mouvement des Incels, une communauté d'hommes violents et misogynes. Lors de sa garde à vue, il a confirmé son projet d'attentat qui devait se terminer par son suicide. Une visite éclair pour tenter de ramener le calme. En Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron est arrivé hier soir dans l'archipel. Théâtre de violents affrontements depuis 10 jours autour du projet controversé de réforme du corps électoral. Le chef de l'État s'est entretenu avec les loyalistes et les indépendantistes. Il a promis des décisions et des annonces à l'issue de cette journée, même s'il a assuré n'avoir pas de limite de temps sur place. Le couvre-feu pour les mineurs reconduit en Guadeloupe pour enrayer la flambée de la criminalité. Un mois après sa mise en place, la préfecture a constaté une diminution des mineurs impliqués dans les faits de délinquance, mais juge pertinent de prolonger la mesure pour assurer la consolidation de cet effet. Couvre-feu prolongé mais adapté, il ne concerne plus le centre-ville de Pointe-à-Pitre, mais reste en vigueur dans les villes jugées les plus sensibles. Dans l'actualité également, Mohamed Camara convoqué jeudi prochain par la commission de discipline de la LFP. Le joueur de Monaco va devoir s'expliquer après avoir masqué le logo arc-en-ciel lors de la journée de lutte contre l'homophobie en marge de la dernière journée de Ligue 1. Un comportement qui a fait beaucoup réagir. Des associations et la ministre des Sports ont réclamé notamment des sanctions contre l'international malien. Le club de la Principauté a lui présenté ses excuses et expliqué les raisons du comportement de son joueur. Il évoque des raisons religieuses. Et puis à quoi ressemblera le tableau principal cette année? Porte d'Auteuil, le tirage au sort du tournoi de Roland-Garros sera effectué tout à l'heure à 14h. Le Grand Chelem parisien débute, on le rappelle, ce dimanche. Une édition marquée par la probable dernière apparition de la légende Rafael Nadal, qui ne sera pas tête de série cette année et pourrait donc tomber sur un gros adversaire dès le premier tour. Voilà pour ce point sur l'info. Excellent après-midi. Jazz Radio, la météo. De nouveaux orages vont éclater aujourd'hui sur une large partie du pays, attendu dès ce matin près des Pyrénées. Ils vont remonter ensuite vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Côte d'Azur, mais aussi plus au nord en direction de l'Alsace, de la Normandie et des Hauts-de-France. Le temps va rester majoritairement instable, partagé entre nuages, averses et éclaircies, sauf autour du golfe du Lion où le soleil sera plus présent aujourd'hui. Le mercure affiche 10 degrés ce matin à Rennes, 12 à Bordeaux, 13 à Paris, 15 à Nice, pas plus de 16 degrés attendus cet après-midi à Clermont-Ferrand, 19 à Nantes et à Toulouse, 21 à Lille. Les 23 à Perpignan. Le 13-16 sur Jazz Radio avec Benoît Turet. Jazz Radio, Jazz and Soul. Merci à la rédaction de Jazz Radio. Retour de l'actualité et de la météo tout à l'heure à 16h. Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans ce nouveau 13-16. On va écouter à nouveau ensemble le meilleur du jazz et de la soul. Voici Lisa Ekdahl et le tout dernier Malted Milk sur Jazz Radio. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Who will buy? Who would like to answer my surprise? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poets pipe of love in that childish way. Of love, better fall in love. And if you want the thrill of love, I've been through a mill of love and all love, new love, every love but true love and love for sale. Appetizing young love for sale. If you wanna buy my wares, follow me and climb the stairs, love for sale. beginning. The sense of being alive. Before this harmonies was 1975. « 1975, les Malted Milk sur Jazz Radio, ils seront en concert à Paris à la Maroquinerie vendredi 31 mai. Les Malted Milk qui nous avaient accordé une interview il y a peu à l'occasion de la sortie du nouvel album, 1975 également. Et le micro avait été tendu à Arnaud Fradin. L'interview est à retrouver sur jazzradio.fr et l'appli Jazz Radio. » Jazz Radio. Jazz and Soul. I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss. But more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in some leafy glade. I wish you health and more than wealth. I wish you love. My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, you free. Oh, wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. But most of all, I wish you love. Surnommé Sweet Nancy ou The Baby par ses fans, c'était Nancy Wilson sur Jazz Radio avec I Wish You Love, la suite de ce 13-16 sur Jazz Radio avec George Benson, Michael Bublé et Joseph James. Très bon après-midi à l'écoute de Jazz Radio. Vous recherchez le nom d'un artiste, le titre d'un standard, d'une nouveauté entendue sur Jazz Radio ou sur l'une des 25 web radios thématiques de Jazz Radio? Rendez-vous dès maintenant sur jazzradio.fr pour retrouver toutes les références des titres entendus. Jazz Radio, Jazz and Soul. Elle, talent prometteur, en quête d'un contrat d'apprentissage. Lui, patron de PME à la poursuite d'une jeune pépite. Ils se sont trouvés sur iscode.fr. L'école business et IT, 100% en ligne, 100% en alternance, avec des rentrées toute l'année. Entreprise, apprenti, unissez vos talents sur iscode.fr. IT égale informatique. 1664 Blanc présente. À la French. À la French, c'est quoi? C'est quoi? Une bière française. Cette bouteille bleue. Très très fraîche. Cette terrasse. Ensoleillée. 1664 Blanc. Ce serveur qui virevolte. De table en table. Ce verre élégant. Note d'agrumes. 1664 Blanc. C'est ça, à la French. 1664 Blanc. À la French. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Qu'est-ce qui vous fait aimer les randos ? C'est de vous balader sur la côte et vous dire que vous êtes bien au milieu des embruns bercés par le bruit des vagues. En tout cas, mieux qu'au milieu des bouchons bercés par le bruit des klaxons. Chez Decathlon, on parie que ce qui va vous faire adorer les randos, c'est le petit prix des sandales qu'on a sélectionnées. Cette semaine, les sandales de randonnée Merrell Terrain Cross Femme sont à 55 euros au lieu de 75, soit 20 euros de réduction. Et cette année, Decathlon baisse ses prix sur une sélection de produits. À découvrir en magasin ou sur decathlon.fr. Desperados, avec sa bière Desperados Tropical, fait sa révolution. Pourquoi ? Parce que saveur rhum, citron vert et passion. Cette fraîcheur atypique, ça rappelle les tropiques. Desperados Tropical, sa recette est colorée, fruitée, mais surtout, surtout, elle est signée Desperados. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Allô Mel ? Oui ? Je reviens de chez District Center. J'ai le bon plan pour l'été. Des claquettes de marque à partir de 12,99€. Mais non ! Mais si ! Des Fila, des LS, des Umbro, et il y en a pour toute la famille ! Mais non ! Mais si ! Et c'est dès maintenant chez District Center. Bisous ! District Center, offre valable en magasin et sur districtcenter.fr jusqu'à épuisement des stocks. On en parle. Changer son assurance de prêt peut permettre de réaliser des économies importantes, mais on ne sait pas toujours à qui s'adresser. On en parle tout à l'heure avec Idriss, sociétaire à la Massif. Chérie, pour cet été, j'ai envie de me créer un look unique. Oh, pour ça, je connais un lieu unique. C'est chez Cash Cash, Bréal et Bonobo. Ouais, tu peux dire chez Vibes. Les trois marques au même endroit. C'est un lieu unique. Oui, chez Vibes, il y a des petites robes Cash Cash à 19,99€, des t-shirts hyper sympas chez Bréal et même des Bermudas Bonobo pour toi. Et si t'as besoin de conseils sur les tendances de l'été, toute la team Vibes sera là pour toi. Uniquement pour moi ? Oui, pour toi et pour tous ceux qui nous écoutent. On nous écoute ? Toi, je sais pas, mais moi, oui. On m'écoute quand je parle de Vibes. Vibes. Vibes. Vous êtes en mode vous. Osgore, Nice, Annecy, ça pour les vacances, c'est pas les idées qui nous manquent. C'est plus le van qui va avec. Et oui, Emma, aujourd'hui, on aime voyager plus librement. Avec les prêts personnels de la Banque Postale, financez vos projets et réalisez vos rêves. Et jusqu'au 9 juin, bénéficiez de zéro frais de dossier. Allez, en route. La Banque Postale, citoyenne. Plus d'infos en bureau de poste et sur labanquepostale.fr. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur La Banque Postale Consumer Finance. Délai de rétractation de 14 jours calendaires. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Carrefour. Quand vous me dites « Alors moi, je ne comprends pas les gens qui font les choses à moitié. » Eh bien, ça me donne envie de vous dire « Achetez vos confiseries sucrées et tablettes de chocolat chez Carrefour et recevez 50% du montant de vos achats en bon d'achat. » Et c'est valable sur toutes les confiseries sucrées et tablettes de chocolat, même en promotion. Ah bah ça, c'est la moitié qui fait plaisir. Et c'est jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Dès 8 euros et jusqu'à 20 euros d'achat, bon d'achat valable du 27 mai au 9 juin, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Il n'y a que chez Poltronet Sofa que l'on propose des canapés avec plus de 300 tissus, entièrement déhoussables. Pas seulement déhoussables, lavables aussi. Et seulement jusqu'à samedi, il y a 30% de remise sur plus de 90 modèles, uniquement chez... Poltronet Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Pourquoi venir chez Castorama à l'approche de l'été ? Parce que quand on a l'esprit castor, on aime se mettre bien au frais. Et surtout à moindre frais. Alors jusqu'au lundi 27 mai, profitez de 20% de remise sur une sélection de spas et de piscines des marques Intex et Bestway. Oui, 20% de remise. Rien que d'entendre ça, vous êtes déjà détendu. Et parce que l'eau est une ressource précieuse, pensez à bâcher votre piscine ou votre spa. Castorama, changer nous fait avancer. Voir conditions en magasin et sur castorama.fr. Chez Orange, on sait que Marc aime les vacances. Carré. Avec les enfants surveillés. Par mamie. Et la maison. Par Orange Maison Protégée. Alors pour nos 5 ans, l'alarme et la télésurveillance 24 heures sur 24 sont à prix canon. Et l'option vidéoprotection extérieure est offerte. Nickel. Orange est là. Engagement 12 mois, option offerte pendant 12 mois puis 8 euros par mois pour toute première souscription simultanée à l'offre maison du 23 mai au 1er juin. Orange Télésurveillance, titulaire d'une autorisation CNAPS, conditions sur télésurveillance.orange.fr. Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, la barquette de 500 grammes de fraises est à seulement 2,99€. À ce prix-là, je me ferais bien un pique-nique au soleil avec de si belles fraises. Et en plus, elles sont d'origine France. D'ailleurs, je peux vous en piquer une. Les bonnes choses, ça se partage. C'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 2,99€, la barquette de 500 grammes de fraises rondes, soit 5,98€ le kilo. Origine France, catégorie 1, valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Le 13-16 sur Jazz Radio avec Benoît Turet. Jazz Radio, Jazz and Soul. Ooh-dee-dee-da-doo,

kiss. But if you don't dare confess, but please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. 'Cause I don't wanna wind up broken hearted before we've started. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't answer. Kiss us, kiss us, kiss us. Perhaps, perhaps, perhaps. Kiss us, kiss us, kiss us. Kissas, kissas, kissas, Michael Bublé sur Jazz Radio. Josie James nous a livré il y a quelques semaines un magnifique album intitulé 1978, disque qu'il va venir présenter, défendre sur les scènes des festivals cet été. On le retrouvera à Nice, on le retrouvera à Marseille Jazz des 5 continents au mois de juillet et un peu plus tard à Tourcoing, ce sera au mois d'octobre, le 12 octobre, à l'occasion bien sûr du Tourcoing Jazz Festival. Le voici, Josie James, avec Saturday Night Need You Now sur Jazz Radio. Saturday night, I'm thinking of you, baby. Love of my life, you're a dream come true. I see everybody watching you on the floor, baby. Falling in love with the way you move. Me, I take flight. I believe I made my mind to be with you. I can't fight this feeling. Something in my soul that comes to me when I feel your body rocking with mine. Every time my heart beats, something in the groove that sets me free. Wanna feel your body all through the night. Oh, I need you now. Saturday night, show me your moves, babe. Dior lace. The girls in town feeling bad. They know my Yankees in Trinidad. They're going to close down the base for good. Them girls have to make out how they could. Now you see them dance up in town. Dance for a penny, not for a pound. Yes, it's competition for soul. Trouble in the town when the price drop. Go bouncing up with Jean and Dinah, Rosita and Clementina. Round the dance floor posing. Bet your life that something is cooking. And if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Don't make no wrong. Yankees gone, the West Indians take over now. Things as bad as to hear them cry. Not a sailor in town, the nightclubs try. Only West Indians like me or you. Going to get a drink or two. Since we have things back in control, I'm seeking revenge with my heart and soul. And as we spread the news around, is to see how them cavemen floating in town, bouncing up with Jean and Dinah, Rosita and Clementina. Riding dance floor posing. Bet your life that something is cooking. But if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Don't make no row. Yankees gone, the West Indians take over now. When the Yankees was in full swing, just imagine how I was suffering. Dinah tell me straight to me face, how she find I too fast and out of place. No, no, no, they would start to fret. Money or not, West Indians can't get. Cause with the Yankees they have it cool. Calypsonians too hard to fool. Jumping up with Jean and Dinah, Rosita and Clementina. Round the dance floor posing. Bet your life that something is cooking. And if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Don't make no row. Yankees gone, the West Indians take over now. It's the glamour boys again. They're going to rule in Port of Spain. No more Yankees to spoil the fed. Dorothy have to take what she get. All of them who used to make style, making a dollar or so for a smile. No more dollar, West Indians, I've said. By the sweat of thy brow, thou shalt eat bread. Bouncing up with Jean and Dinah, Rosita and Clementina. Round the dance floor posing. Bet your life that something is cooking. And if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Don't make no row. Yankees gone, the West Indians take over. Yankees gone, the West Indians take over. Yankees gone, the West Indians take over now. Jean and Dinah, Robert Mitchum sur Jazz Radio. Si vous recherchez les références de ce titre de Robert Mitchum, eh bien direction jazzradio.fr ou encore l'appli Jazz Radio. En cliquant sur titre diffusé, vous retrouverez toutes les informations et c'est valable aussi pour tous les titres entendus sur Jazz Radio et sur les 30 web radios thématiques. Amy Winehouse maintenant sur Jazz Radio avec Back to Black. Same old, same bed.

and sleep to find I'm king of the hill, head of the mist, cream of the crop at the top of the heap. My little time is up, melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. Come on, come through New Liza Minnelli interprétant le thème de New York, New York, film musical de Martin Scorsese, sorti en 1977 avec à l'affiche Liza Minnelli et Robert Bob De Niro. Harold Melville and the Blue Notes dans quelques instants sur Jazz Radio. Très bon après-midi à l'écoute du 13-16. Jazz Radio à Monaco, 93.2. On en parle. Changer son assurance de prêt peut permettre de réaliser des économies importantes, mais on ne sait pas toujours à qui s'adresser. On en parle aujourd'hui avec Idriss, sociétaire à La Massif. Bonjour Idriss. Bonjour. Alors pourquoi vous avez changé d'assurance emprunteur et surtout choisi La Massif ? Ben quand j'ai contracté mon prêt à la banque, je trouvais que l'assurance était un peu trop chère. Mmh. Et donc, comme j'avais déjà des contrats à La Massif, je leur ai demandé s'il était possible de faire une garantie pour l'assurance du prêt. Alors comment ça s'est passé ? Ben ça s'est très vite goupillé, ils ont été très efficaces. Quand j'ai vu les économies que je pouvais faire sur la totalité du prêt, ben, on n'a pas réfléchi longtemps. Merci Idriss. Changement d'assurance sous conditions et économie selon profil de l'emprunteur, détails et conditions sur massif.fr. Contrat assuré par Apivia Massif Mutuel, mutuelle du livre 2 du Code de la Mutualité. À tous ceux qui proposent un pique-nique dès qu'on dépasse les 12 degrés, ceux qui tiennent à manger dehors même s'il faut mettre une petite veste, et à ceux qui déplacent leur chaise pour rester face au soleil. Pour tous ceux qui ont hâte d'être en été, Intermarché offre 34% en avantage carte sur la boîte de 8 cônes glacés extrême chocolat pistache, soit 2,73€ avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 2 juin, 4,15€ prix payé, 568 grammes, soit 7,31€ le kilo. Autre parfum disponible. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Mon imprimante bureau Valet. Tu m'aides à porter ce carton ? Peux pas. Bah, dommage, c'est ma nouvelle imprimante Canon. Attends, j'arrive ! Oh bah, trop tard. Chez Bureau Valet, jusqu'au 25 mai, l'imprimante multifonction jet d'encre Canon Maxify MB2150, impression jusqu'à 19 pages par minute, écran tactile de 6,2 cm, chargeur automatique 50 feuilles, est à 84,90€ au lieu de 119,90€. Bureau Valet, on met la barre très haut et les prix très bas. Offre dans la limite des stocks disponibles. Conditions et magasins participants sur bureau-valet.fr. Mais U, peut-on trouver 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine ? Dans les magasins U, il y a des nectarines jaunes à prix coûtant. Il y a seulement 2,49€ le kilo. Je m'entraîne pour être le premier sur le coup. Retrouvez chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 23 au 25 mai dans vos magasins U, les nectarines jaunes à prix coûtant sont à seulement 2,49€ le kilo. 2,49€. U, commerçant autrement. Catégorie 1, calibre B, origine Espagne. Voir modalité et magasins participants sur magasin-u.com. 1664 Blanc présente À la French. À la French, c'est quoi ? C'est quoi ? Une bière française. Cette bouteille bleue. Très très fraîche. Cette terrasse ensoleillée. 1664 Blanc. Ce serveur qui virevolte. De table en table. Ce verre élégant. Note d'agrumes. 1664 Blanc. C'est ça, À la French. 1664 Blanc. À la French. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et parmi ces millions de spermatozoïdes, un seul arrivera à passer devant tous les autres pour arriver le premier à l'ovule. Comme mon père sur l'autoroute ? Bah ouais, avec son badge Beep and Go, il passe toujours devant tout le monde au péage. Ah bravo, très drôle. Avec Beep and Go, passer devant tout le monde, c'est la vie. Et en ce moment, profitez de 9 mois offerts. Beep and Go, roulez l'esprit libre. Offre réservée aux particuliers pour toute première souscription jusqu'au 18 août 2024. Offre valable en France, hors frais d'expédition, de mise en service, frais de péage et de parking. Détails sur beepandgo.com. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. Grâce à votre promo sur le charbon de bois, j'ai organisé un grand barbecue dans mon jardin. Ah, trop sympa. Oui, sauf que l'odeur des grillades attire tout le quartier. Mais allez, rentre chez toi, Jérôme. Dites-leur de passer nous voir. Du 21 mai au 1er juin, le deuxième sac de 40 litres de charbon de bois Beaujour est à moins 50% pour prendre l'air à Prix Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à Prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Offre également disponible dans nos magasins Jardi Leclerc et Brico Leclerc. Kiabi, partenaire de votre pouvoir d'achat. Quand on pense une mode à petit prix, c'est aussi pour mieux plonger dans l'été. Briller sous le soleil avec notre collection maillot de bain. Imprimé géant, rayures pastel et coupes irrésistibles. Comme le maillot femme motif tropical au Ouba à seulement 4€. Et disponible aussi en version mini pour les filles. C'est comme ça que Kiabi en fait toujours plus pour les familles. Kiabi, la mode à petit prix. Jusqu'au 4 juin. Conditions kiabi.com. Chez Orange, on sait que Marc aime les vacances. Carré. Avec les enfants surveillés. Par mamie. Et la maison. Par Orange Maison Protégée. Alors pour nos 5 ans, l'alarme et la télésurveillance 24 heures sur 24 sont à prix canon. Et l'option vidéoprotection extérieure est offerte. Nickel. Orange est là. Engagement 12 mois, option offerte pendant 12 mois puis 8€ par mois pour toute première souscription simultanée à l'offre maison du 23 mai au 1er juin. Orange Télésurveillance, titulaire d'une autorisation CNAPS. Conditions sur télésurveillance.orange.fr. En ce moment, chez Conforama, tout le monde gagne. Comme avec la télé connectée Hisense 147 cm UHD avec écran sans bord et contrôle vocal à 399,99€. Soit 50€ de remise. Conforama. Jusqu'au 3 juin, voir conditions sur Conforama.fr. Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, la barquette de 500 grammes de fraises est à seulement 2,99€. À ce prix-là, je me ferais bien un pique-nique au soleil avec de si belles fraises. Et en plus, elles sont d'origine France. D'ailleurs, je peux vous en piquer une. Les bonnes choses, ça se partage. C'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 2,99€, la barquette de 500 grammes de fraises rondes, soit 5,98€ le kilo. Origine France, catégorie 1. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Jazz Radio. Le 13-16 sur Jazz Radio avec Benoît Turet. Jazz Radio, Jazz and Soul. All the things that we've been through, you should understand me like I understand you. Now baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. We only act like children when we argue, fuss and fight. Hey, hey. If you don't know by now, you will never know. You'll never know me. Oh, hey. If you don't know by now, if you don't know me, baby. We all got our own funny moves. I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy to do. jazz et de la soul sur Jazz Radio. Jazz Radio. Très bon après-midi sur Jazz Radio. Merci de nous avoir choisi. On écoute ensemble le meilleur du jazz et de la soul. Voici Diana Krall et puis Michel David and the True Tones pour les nouveautés Jazz Radio. Il est 14h. Jazz Radio. Jazz and Soul. Le 13-16 sur Jazz Radio avec Benoît Turet. Jazz Radio. Jazz and Soul. From this moment on, you for me, dear, only two for tea, dear. From this moment on, from this happy day, no more blue songs, only hoop-dee-doo songs. From this moment on, for you got the love I need so much. I got the skin that I love to touch. I got the arms to hold me tight. Got those sweet lips to kiss me goodnight. Oh, from this moment on, you and I, babe, we'll be riding high, babe. Every care is gone from this moment on. You've got the love I need so much. I got the skin that I love to touch. I got the arms to hold me tight. I got those sweet lips to kiss me tonight. From this moment on, Jazz. Jazz Radio. So

Lonely Avenue Richards sur Jazz Radio, un titre que vous retrouvez dans la playlist de la web radio classique jazz sur jazzradio.fr et l'appli Jazz Radio. Patti LaBelle dans quelques instants, Tony Bennett et Emma Smith. Très bon après-midi à l'écoute du 13-16. Entrez maintenant dans l'univers du jazz avec jazzradio.fr. Retrouvez sur jazzradio.fr toute la programmation musicale, les agendas concerts ville par ville, les meilleures vidéos jazz and soul, les news, la sélection nouveautés et classiques de la playlist Jazz Radio, l'équipe d'animation, les derniers jeux concours, les fréquences FM et DAB+ du réseau Jazz Radio, l'horoscope du jour, un choix de plus de 25 web radios thématiques. Rendez-vous dès maintenant sur jazzradio.fr. Jazz Radio, Jazz and Soul. Ça, c'est vos dépenses qui viennent de tomber. Et ça, c'est encore et encore des dépenses. Eh oui, quand on est un professionnel du bâtiment, on en a de l'argent à sortir. Alors on vous en fait économiser. Chez Leroy Merlin, profitez de remises permanentes jusqu'à 8% sur tous vos achats avec notre programme de fidélité 100% gratuit. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Adhésion et conditions du programme en magasin. 1664 Blanc présente. À la French. À la French, c'est quoi? C'est quoi? Une bière française. Cette bouteille bleue. Très très fraîche. Cette terrasse. Ensoleillée. 1664 Blanc. Ce serveur qui virevolte. De table en table. Ce verre élégant. Note d'agrumes. 1664 Blanc. C'est ça, à la French. 1664 Blanc. À la French. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Quand vous me dites « j'adore profiter de la vie, les doigts de pied en éventail », eh bien ça me donne envie de vous dire que pour nos millions de supporters, la paire de tongs adultes Lee Cooper est à 2,99€ seulement. Mais ça ne m'empêche pas d'applaudir dès demain. Et c'est jusqu'au 3 juin dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 100% synthétique, différents modèles et coloris du 36 au 45, détails sur carrefour.fr. Allô Mel ? Oui ? Je reviens de chez Distri Center. J'ai le bon plan pour l'été. Des claquettes de marque à partir de 12,99€. Mais non ! Mais si ! Des Fila, des LS, des Umbro, et il y en a pour toute la famille ! Mais non ! Mais si ! Et c'est dès maintenant chez Distri Center. Bisous ! Distri Center. Offre valable en magasin et sur districenter.fr jusqu'à épuisement des stocks. Leclerc. Saint-Nazaire, Bayeux, Aubenas. Qu'est-ce que tu fais ? Je vérifie si le Festival Culturissimo des Espaces Culturels Leclerc passe près de chez nous. Il y a des lectures, des concerts et des lectures musicales gratuites. Et alors, le festival passe à Blois ? Bien sûr, David Fuenkinos y fait une lecture. Cool, on y va ? Culturissimo, c'est le festival des espaces culturels Leclerc avec près de 90 événements gratuits partout en France. Demandez votre invitation en magasin dans la limite des places disponibles. Magasins participants et événements sur www.culturissimo.leclerc. Et parmi ces millions de spermatozoïdes, un seul arrivera à passer devant tous les autres pour arriver le premier à l'ovule. Comme mon père sur l'autoroute. Bah ouais, avec son badge Bip & Go, il passe toujours devant tout le monde au péage. Ah bravo, très drôle. Avec Bip & Go, passer devant tout le monde, c'est la vie. Et en ce moment, profitez de 9 mois offerts. Bip & Go, roulez l'esprit libre. Offre réservée aux particuliers pour toute première souscription jusqu'au 18 août 2024. Offre valable en France, hors frais d'expédition, de mise en service, frais de péage et de parking. Détails sur bipandgo.com. À tous ceux qui se demandent, qui a décidé que les fruits de mer étaient des fruits ? À ceux qui se demandent pourquoi il n'existe pas les légumes de mer pour aller avec. Et à ceux qui se disent, de toute façon, s'il y a une pomme de terre, pourquoi il n'y aurait pas une pomme de mer ? Bah oui. Jusqu'à samedi, Intermarché propose le kilo de crevettes cuites à seulement 6,45€. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre de 60 à 80 pièces au kilo, élevé en Équateur, Nicaragua, Venezuela ou Honduras, selon approvisionnement. Pour votre santé, évitez de grignoter. Liliane aimerait bien une électricité moins chère tout en restant verte. Sauf que pour elle, vert, ça rime toujours avec cher. Mais sachez Liliane qu'avec l'offre ELEC référence 1 an d'Engie, en ce moment, le prix du kilowattheure est 14% moins cher en moyenne que le tarif réglementé. Et en plus, c'est de l'électricité verte. Eh oui, car vert, ça peut aussi rimer avec moins cher. N'est-ce pas Liliane ? Appelez le 3101, service et appel gratuit. Voir conditions de l'offre et du comparatif de prix sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Leclerc, bonjour. Bonjour, j'ai vu vos bouquets de roses pour la fête des mères. Magnifique, hein ? Oh, j'ai toujours rêvé qu'on m'en offre un comme ça. Ah, eh ben peut-être que vos enfants vont y penser. Ben justement, je me demandais, vous auriez pas vu passer mon fils dans vos magasins ? Brun, taille moyenne. Ah ça, je pourrais pas vous dire. Mais s'il nous entend, du 23 au 26 mai chez Leclerc, le bouquet de 15 roses est à 4,95€. Clément, t'as entendu ? Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Hauteur de tige 50 cm existe en différents coloris. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Kiabi,

I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time we say goodbye. Jazz and Soul. Family, Sister Sledge sur Jazz Radio. On vous offre des vacances cette semaine sur Jazz Radio au bord de la mer, à la campagne, à la montagne. Vous choisirez la destination parmi toutes les offres de notre partenaire, les Camping Village Omer Vacances. Pour participer au concours, eh bien, il faut s'inscrire en envoyant le mot-clé Jazz par SMS au 72018, JSNZ au 72018. Et c'est Martin Parker qui fera le tirage au sort demain matin entre 6h et 10h. Bonne chance. Billy Holiday tout de suite avec My Man. Just could get away with my man, he'd go straight, sure as fate, for it never is too late for a man. I'd just like to dream dream of a cottage by a stream with my man, where a few flowers grew and perhaps a kid or two like my man. And then my eyes get wet, I most forget, till he gets hot and tells me not to talk such rot. Oh, my man, I love him so he'll never know. All my life is just despair, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is right, all right. What's the difference if I say I'll go away, when I know I'll come back on my knees someday? Whatever my man is, I'm his I love you. L'un des titres les plus connus du répertoire de The Delphonics, Lala Means I Love You, répertoire de Delphonics, souvent repris par The Jackson 5, par Patti LaBelle, par Aretha Franklin ou encore The Manhattan Transfer. Ramsey Lewis en trio, s'il vous plaît. Voici Wade in the Water sur Jazz Radio. What you have done to me. I've been thinking about what you have done to me. Damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder were you pushed or were you led? Why did you do it?

across the sand. He grabbed his pants, a better stance. Oh, how he jumped up high. He clicked his heels. He let go alive. Let go alive. He stood up and shook back his clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs. Throughout the South, he spoke with the tears of 15 years, how his dog and he traveled about. His dog up and died. He just up and died. After 20 years, he still grieved. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, and he said, I dance now at every chance and honky tonks for drink. Tips. But most of the time I spend behind these county bars, he said, I drink a beer. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone respectfully ask, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Nina Simone sur Jazz Radio. À venir, Jackie Wilson. Jackie Wilson qui aurait beaucoup inspiré les pas de danse de James Brown. C'est James Brown qui le disait lui-même régulièrement dans la presse. Influence également de Michael Jackson. Jackie Wilson que l'on écoutera avec I Get the Sweetest Feeling dans quelques instants sur Jazz Radio. Jazz Radio à Montélimar 106.6 et à Courchevel sur 100. Retrouvez dès maintenant tout l'univers de Jazz Radio sur votre smartphone en téléchargeant gratuitement l'application Jazz Radio pour iPhone ou Android. Vous accéderez librement au meilleur du son jazz and soul d'hier et d'aujourd'hui. Vous découvrirez plus de 25 web radios thématiques, les agendas concerts ville par ville, les dernières infos de jazz et les nouveautés de la playlist Jazz Radio. Jazz Radio, Jazz and Soul. Sephora, t'offrir un parfum, c'est l'offrir à toutes les femmes qui font que tu es toi. À la femme engagée, à la mère aimante qui m'a tout donné. Toi qui es tous les jours la meilleure des mamans. Le 26 mai, c'est la fête des mères. Chez Sephora, profitez de moins 25% sur les parfums à partir de 50 ml jusqu'au 25 mai et sur les coffrets parfums jusqu'au 25 juin. En magasin, sur Sephora.fr et sur l'app. Valable sur présentation, création de la carte de fidélité et hors exclusion. Sephora, we belong to something beautiful. Quelque chose de beau nous rassemble. Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon. Il n'y a que chez Poltron et Sofa que l'on propose des canapés avec plus de 300 tissus entièrement déhoussables. Pas seulement déhoussables, lavables aussi. Et seulement jusqu'à samedi, il y a 30% de remise sur plus de 90 modèles. Uniquement chez Poltron et Sofa. Solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.

The deeper your touch, the more you thrill me. It's more than I can stand. Girl, when you hold my hand, I feel so grand that I could cry. And I get the mama, the sweetest, baby, the sweetest, loving you. The stronger you hold me, baby. The stronger you hold, the more I need you. With every passing day, I love you more in every way. I'm in love to stay, and I wanna say, I get the Jazz Radio, Jazz and Soul. Jazz Radio. Très bon après-midi sur Jazz Radio, merci de nous avoir sélectionnés. On écoute ensemble le meilleur du jazz et de la soul. Voici Taj Mahal et Liam Bailey. Jazz Radio, il est 15h. Jazz Radio, Jazz and Soul. Le 13-16 sur Jazz Radio avec Benoît Turet. Jazz Radio, Jazz and Soul. Deo, mi se deo. Daylight come and me won't go home. De, mi se de, mi se de, mi se de, mi se de, mi se deo. Daylight come and me won't go home. Work all night till the morning come. Daylight come and me wanna go home. Stack banana till the morning come. Mr. Tallyman, tally the banana. Daylight come and me wanna go home. Come Mr. Tallyman, tally the banana. Daylight come and me wanna go home. Six hand, seven hand, 8 foot bunch. Daylight come and me wanna go home. Six hand, seven hand, 8 foot bunch. Daylight come and me wanna go home. Sing me. A ripe banana. Daylight come and me wanna go home. Say in their hide the deadly black tarantula. Daylight come and me wanna go home. Six hand, seven hand, 8 foot bunch. Daylight come and me wanna go home. Six hand, seven hand, 8 foot bunch. Daylight come and me wanna go home. Day-o, day-o, daylight come and me wanna go home. Jazz Radio. Jazz and Soul. With me, Liam Bailey, sur Jazz Radio, repérage que l'on doit à Claude Gennaro. Vous pouvez retrouver le meilleur de ses sélections jazz et soul parmi les toutes dernières nouveautés dans son émission, bien sûr, Zen Attitude, ce soir à 20h, ou encore dans la playlist de sa web radio Zen Attitude Radio by Jazz Radio sur jazzradio.fr et l'appli Jazz Radio. Jazz Radio. If ever you're restless and you're feeling low, don't think that the city is the place to go. Well, I'll tell you one thing worth singing about. If you come in, be sure you can get back out. The great city's playboys, they're always around to help build your hopes up and help drag you down.

appelez le 3101. Service et appel gratuit. Voir conditions de l'offre et du comparatif de prix sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, elles sont à 1,79€. Les tomates rondes en grappe ? Bah, comment vous avez deviné ? En ce moment, le kilo de tomates rondes en grappe est à 1,79€. Et avec l'appli Lidl Plus, elles sont à moins 17%, soit 1,49€. 1,49€ le kilo de tomates rondes en grappe. Je vais te prendre en grippe. Oh, je suis mal. Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Jusqu'au 9 juin, tentez de gagner vos places avec l'appli Lidl Plus. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Il n'y a que chez Poltron et Sofa que l'on propose des canapés avec plus de 300 tissus entièrement déhoussables. Pas seulement déhoussables, lavables aussi. Et seulement jusqu'à samedi, il y a 30% de remise sur plus de 90 modèles. Uniquement chez Poltron et Sofa. Solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Leclerc, bonjour. Bonjour. J'ai vu vos bouquets de roses pour la fête des mères. Magnifique, hein? J'ai toujours rêvé qu'on m'en offre un comme ça. Ah, et ben peut-être que vos enfants vont y penser. Ben justement, je me demandais, vous auriez pas vu passer mon fils dans vos magasins? Brun, taille moyenne. Ah ça, je pourrais pas vous dire. Mais s'il nous entend, du 23 au 26 mai chez Leclerc, le bouquet de 15 roses est à 4,95€. Clément, t'as entendu? Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Hauteur de tige 50 cm existe en différents coloris. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pourquoi filer chez Castorama quand la saison du barbecue revient ? Parce que quand on a l'esprit Castor, on ne plaisante pas avec la qualité de son barbecue. Et justement, avec les prix 100% plaisir chez Castorama, c'est 15% de réduction sur tous les barbecues Weber, le top du barbecue. Ça promet de belles années de grillades parties en famille. Mais attention, les moins 15%, c'est seulement jusqu'au lundi 27 mai. Après, ben, c'est grillé. Castorama, changer nous fait avancer. Voir conditions en magasin et sur castorama.fr. À toutes celles qui débarquent à 12 à table alors qu'elles n'étaient pas invitées, à celle qui va faire peur à la petite cousine, à celle qu'on essaye de capturer dans un verre, et à celle qui va repartir avec un bout de melon plus gros qu'elle. Bref, à toutes les guêpes du jardin et à vos invités. Jusqu'à samedi, Intermarché propose le melon charentais vert ou jaune à seulement 1,99€ la pièce. Et tous les week-ends, vous avez 10% en avantage carte sur le rayon fruits et légumes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre 750, 975 grammes, catégorie 1, origine Maroc-Espagne selon approvisionnement. Le 13-16 sur Jazz Radio avec Benoît Turet. Jazz Radio, Jazz and Soul. For my reaction, what do you need to know? Don't you know I'll always be the one? You don't have to prove to me you're beautiful to strangers. I'm not loving lies. You belong to me. Jazz Radio, Jazz and Soul. Chuck is in love, Rick Lee Jones sur Jazz Radio. Norah Jones maintenant avec un extrait de son nouvel album Visions. Norah Jones qui fait partie d'un collectif d'artistes américains, collectif intitulé Artists Rights Alliance, qui se mobilise actuellement, un collectif inquiet de la concurrence proposée par l'intelligence artificielle. Il y a à ses côtés Stevie Wonder, il y a également Diana Krall. Vous retrouverez plus d'infos sur ce collectif sur jazzradio.fr et l'appli Jazz Radio. Norah Jones, la voici avec Running sur Jazz Radio. But the air Jazz Radio. Jazz. Jazz and Soul. Jazz Radio, Jazz and Soul. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Charleston was once the rage, History has banned that stage, The mini skirts, the current thing, Teeny bopper is our newborn king, And the beat goes on, the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Grocery stores, a supermarket, Little girls still break their hearts, Men still keep on marching off to war. On. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da.

Radio. Jazz Radio. Jazz and Soul. Le thème de Peter Gunn dans Rimoncini sur Jazz Radio, en Rimoncini dont on célèbre le 100e anniversaire de la naissance avec un album intitulé The 100 Sessions en Rimoncini. Il y a sur ce disque Michael Bublé, il y a Quincy Jones ou encore Stevie Wonder, et sur cette version de Peter Gunn, Quincy Jones, John Williams ou encore Herbie Hancock sur Jazz Radio. Chaka Khan maintenant avec I'm Every Woman sur Jazz Radio. Jazz Radio. Whoa. Sunset golden red. Whoa. That's a beautiful world for us to see. What do you say? So can you hear me? You gotta jump right in if you're gonna find the loving that you need. I wanna live my life like a work of art. I wanna live my life like a work of art. If there's just one thing give you any truth, come on and live your life like a work of art. Hey. Hey. There's sunshine in my veins that's never gonna be contained. Whoa. That sounds like paradise to me. You're gonna find the loving that you need. I wanna live my life like a work of art. I wanna live my life like a work of art. If there's just one thing to give you any truth, come on and live your life like a work of art. Work of Art, Jamie Cullum sur Jazz Radio, que l'on retrouvera sur la scène du magnifique Montreux Jazz Festival. Cet été, le 13 juillet, le même soir que Diana Krall, Montreux, où l'on écoute Jazz Radio sur le DAB+. Toutes les fréquences FM et DAB de Jazz Radio sont à retrouver, à découvrir sur jazzradio.fr et l'appli Jazz Radio. À venir, Billy Paul sur Jazz Radio. À 16h, nouveau point sur l'actualité, sur la météo, avec la rédaction de Jazz Radio, avant d'accueillir Barbara Clément pour son 16-20. Très bon après-midi sur Jazz Radio et à demain 13h. Bye bye. Jazz Radio en Corse à Calvi 97, à Bastia et Ghisonaccia 88.7, à Bocconiano 88.3 et à Corte 103.6. Retrouvez dès maintenant tout l'univers de Jazz Radio sur votre smartphone en téléchargeant gratuitement l'application Jazz Radio pour iPhone ou Android. Vous accéderez librement au meilleur du son Jazz and Soul d'hier et d'aujourd'hui. Vous découvrirez plus de 25 web radios thématiques, les agendas concerts ville par ville, les dernières infos de jazz et les nouveautés de la playlist Jazz Radio. Jazz Radio, Jazz and Soul.

Jusqu'à lundi, le bouquet de 12 roses est à seulement 6,99€. À ce prix-là, je sais ce que je vais offrir à ma maman. Eh ben ça, c'est une super idée. Vous sentez ce parfum? Qu'est-ce que ça sent bon? Ah, ça vous plaît? Je viens de l'acheter. Ah, je parlais des fleurs. Ah oui, les roses, bien sûr, évidemment. Auchan, avec plaisir. 6,99€ le bouquet de 12 roses, différents coloris au choix, valable dans vos magasins et drive Auchan participants. Jazz Radio. There's something wrong here, there can be no denying. What of us is changing, or maybe we've just stopped trying. And it's too late, baby, it's too late. Though we really, really, really did try to make it. And breezy, and you knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel just like a fool. And it's too late, baby, it's too late. Though we really, really, really try to make it, try to make it. Something inside has died, and I can't hide it. I just can't fake it. But we just can't stay together, can't you see it too? Still I'm glad for what we've had, for I want loving you. And it's too late, baby, it's too late. Though we really, really, really did try to make it something inside. A tip a later, a tip a later, a tip a later, a tip a later, a tip a later, a tip a later, a tip a later, a tip a later, a tip a later, a tip a later, a tip a later, a tip a later, a tip a later, a tip a later, a tip a later, baby. Too late. No, no, no. No, no, no. I just can't take you back. I just can't take you back. What of us has changed? You are so unhappy, baby. But we just can't stay together. Can't you see that too? I'm still in love with you, oh no, baby. But too late. Les nouveaux. nouveautés et les standards du jazz et de la soul sur Jazz Radio. Jazz Radio. Le meilleur du jazz et de la soul, ça continue. Bonjour, bon jeudi, nous sommes aujourd'hui le 23 mai. Merci de choisir Jazz Radio. La musique revient avec les chanteuses Adi Oasis et Eurfakit. Jazz Radio. Jazz and Soul. Vous écoutez Jazz Radio, les informations sont présentées par Dominique Berry. Bonjour Dominique. Bonjour Barbara, bonjour à tous. Emmanuel Macron appelle à ne rien céder à la violence. Le chef de l'État s'est exprimé tout à l'heure à l'issue de sa première journée de visite en Nouvelle-Calédonie. Il annonce vouloir reprendre pas à pas chaque quartier. 3000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés, précise le chef de l'État. Emmanuel Macron ne souhaite pas que la réforme du corps électoral passe en force et annonce se donner quelques semaines avec un point d'étape prévu d'ici un mois. En attendant, les responsables doivent, selon lui, appeler à la levée des barrages. Il planifiait une action violente lors du passage du relais de la flamme olympique. Aujourd'hui à Bordeaux, un homme de 26 ans a été interpellé en début de semaine après un message inquiétant sur les réseaux sociaux. Selon le Parisien, le suspect serait un sympathisant du mouvement des Incels, une communauté d'hommes violents et misogynes. Le suspect doit être présenté aujourd'hui devant un juge en vue de sa mise en examen. Sébastien Coé, lui, a été placé en garde à vue. Selon BFM TV, l'animateur radio est actuellement entendu par les enquêteurs de la Brigade des mineurs dans le cadre d'une enquête ouverte pour des accusations de viol et d'agression sexuelle. 5 plaintes ont été déposées contre lui. Les avocats de Sébastien Coé appellent, eux, à la retenue et rappellent le principe de présomption d'innocence. Dans l'actualité également, à l'étranger, la Cour internationale de justice se prononcera demain sur une demande d'ordonner un cessez-le-feu à Gaza. La plus haute juridiction de l'ONU a été saisie par l'Afrique du Sud qui veut exhorter Israël à stopper immédiatement ses opérations, y compris à Rafah. C'est la 4e fois que Pretoria sollicite la CIJ dans cette affaire. Ces ordonnances qui tranchent les différends entre États sont juridiquement contraignantes, même si elle n'a aucun moyen de les faire respecter. Et puis un mot de sport, un choc d'entrée pour Rafael Nadal à Roland-Garros. L'Espagnol, vainqueur du Grand Chelem à 14 reprises, affrontera l'Allemand Alexander Zverev au premier tour. Le numéro 1 français Hugo Humbert lui affrontera Lorenzo Sonego. Ça s'annonce très compliqué pour Pierre Hugerbert qui fera face à Novak Djokovic. Plus calme pour Caroline Garcia qui hérite d'une qualifiée. Le tournoi de Roland-Garros débute, on le rappelle, ce dimanche. Jazz Radio, la météo. Encore des orages demain, surtout sur la moitié nord, le matin du centre au nord-est, alors qu'ailleurs la matinée sera plutôt agréable. Dans l'après-midi, c'est un très large quart nord-est qui sera touché par ces coups de tonnerre. Ce sera couvert sur le nord-ouest et mitigé entre nuages et éclaircies dans le sud. Température comprise demain matin entre 7 degrés à Rennes et 16 à Nice. Il fera 15 degrés demain après-midi à Brest, 18 à Paris, 20 degrés à Marseille et à Toulouse, 21 à Lyon et 22 à Montélimar. Le 16-20 sur Jazz Radio, avec Barbara Clément. Jazz Radio, Jazz and Soul. Bonjour à tous, excellent jeudi, un après-midi qui se poursuit au cœur du meilleur, du jazz et de la soul. Je suis Barbara Clément et je suis très heureuse d'être là avec vous. Je reste à vos côtés jusqu'à 20h pour commencer notre rendez-vous. C'est un très joli duo. La bassiste et chanteuse Adi Oasis et la chanteuse Danielle Pander, souvent comparée à la légendaire Nina Simone sur une instrumentation funk, soul et psychédélique. Elle délivre toutes les deux un manifeste pour la paix et le contrôle des armes. Adi Oasis et Danielle Pander avec le nouveau Dump All The Guns après Eurfakit et Carless Love. If I were a little bird, I'd fly from tree to tree. I'd build my nest way up in the air, where the bad boys could not bother me. Love, oh love, oh careless love. Love, oh careless love. Love. Heart of mine. Love, oh love, oh careless love. Love, oh careless love. You fly You can blame me. Say what you want.